Ce panneau annonce que vous êtes proche d'un endroit fréquenté par des enfants. On retrouve ce panneau à proximité des écoles ou des terrains de jeu.